c'est brutal, évite la bagarre en promenade. Tout s'achète, même ta peau, j'en ai parlé avec Pac-Man. Sois digne et fort à l'intérieur, au cas contraire t'es déjà mort. Ne tombe pas dans la cam et en sortant tu seras un homme. Brutal si ta femme se tire avec ta môme et qu'une enflure soit ton plume. Ta paix c'est ton home, la vie c'est brutal, la vie c'est violent, imprévisible et choquant selon l'humeur, selon le temps. À l'heure actuelle plus rien n'est frais, on se plaît dans le vice, c'est ce qui me fait peur. 2008, brutal est la vie, tu vis entier, tu repars en béquille. Les gens saillent, se tournent le dos, c'est brutal le JT. Les moments de paix ont plus la place sur nos écrans. On se monte le crâne sur des ragots, on croit qu'on devient quelqu'un dans le crime. Frérot, si t'es brutal avec ta femme, elle finira par dire ciao. Ça devient banal, les coups en traite, et méfie-toi, ça vient de partout. Tu es brutal, bercé par le chant du métal, faut que tu détales, car les cops ne prennent pas du bétail. Yeah. Brutal et violent, et c'est comme perdre un proche. Faut qu'on s'accroche au peu qu'on a avant que la mort nous fauche. Mec, je suis parti de ceux qui ont pour prendre notre petite sœur. Teaser, coto-teaser, mais qui feinte les histoires. Ouais. La chance me feinte, la mort, mes frères, alors mes frères, lâchez les guns, la vie a d'autres choses à offrir. Brutal comme le canoncier d'un rap like qui brûle la brink, c'est ses dis-toi et comprends pour un mac. Brutal comme le genre de ta mort, et t'inquiète pas, on se mettra à l'aise car brutal est le manque de remords. Tout ça c'est brutal, si c'est vers ces barbares, ça vient de chez moi, Fahrenheit, t'as Gladi et les berbères. Brutal comme I2S, brutal jusqu'à la fin, Bélernie brutalise les miens, je deviendrai brutal, retiens bien. C'est brutal comme un FAMAS entre les mains d'un schizo, c'est brutal comme deux avions qui se scratchent dans ton studio, c'est brutal comme Katrina, brutal comme le tsunami, brutal. Brutal comme Al-Qaïda, comme le coup de boule de Zinedine. C'est brutal, c'est I2S. Pour les jaloux, c'est brutal, c'est en indé qu'on te nique les cervicales. C'est brutal, c'est dans la boîte, on a kické le réseau. 76 150, c'est brutal, nous tourne pas le dos. La rue c'est brutal, en plus des mecs qui poucavent. Tout le monde veut le pouvoir, du cash et des poufias. Mon frère c'est par ici que ça se passe, c'est dans la street qu'on se ramasse. Ou dès que ça marche, tout le monde veut ta place. Brutal comme une patrouille qui vient pour tourer. Mon cousin vient de la merde, y'a rien à prouver. J'en place une pour ma famille, prod et mon pote qui m'épaule. On donne le score, on vit la pute des taux. Je tire dans la couche, dans la douleur. Get au booster, citoyen du monde, mais hors de feu, mon vœu pour ma couleur. Incarcéré par la haine, mon cœur chavire. Sa pute, manger l'artrique, moi je baisse et je te vire. Que des tracasses qui paraît, j't'ai perdu. Nique la dire, le et la juge, j'peux faire la hure aux études. C'est moi le king, et j'le prouve en 2-3-4. C'est ghetto sale, imparable, barbare, on j'pas que ça. Mande à foudre, elle crée rodé au Portugal. Il finira par être brutal, un B pour banlieue bousillé par ses hommes en bleu. Cette barbe sur cette femme, par son bâtard bonhomme. Un R pour ce racisme radical sans répression. Ce U pour univers où l'union reste un mystère. Ce T pour terre terrorisée sans ce A. L'amour en voie de disparition, enfin L. Pour liberté, écrit rodé, brutalise ce son. Frappé à la mauvaise porte, poteau que des brutes épaisses. Mauvaise pioche pour toi, la vie avec nous des putains de bestes. Yo, la rage en question, pose que des rimes féroces. On m'a pas fait de cadeau, donc normal que les lyrics s'agressent. C'est la crise, tout s'accrand depuis le Benko. Pas de quartier, on frappe la tête comme Fedor Emelianenko. Arrête de faire ton petit tabac, y'a pas de barba papa. Tu finis en barbac si tu viens tester le gant des barbares. Garde les nerfs crus, souvent un cran, beaucoup trop crack. Finis son crack à baisse bar, jeunesse à part. Fumé, affamé par le bis, fume pour un yébine et gros c'est die. Depuis que les tribes payent en drive, bye, back au Mac Drive. Ça s'auto-condamne au paradis du Shetan. Négro, c'est brutal comme une rafale de bastos en guise de facture obscure. Depuis que la vie me torture, s'il flex. Brutal comme le plaquage par un condé d'un clan d'eau au centre de Noailles. Brutal comme la traversée de la Méditerranée dans un cargo entre deux palettes de bananes ivoiriennes. Brutal comme un gallon d'essence versé sur une balance ou une balafre faite sur sa joue. Brutal comme juice. Brutal comme un attentat au propane sur Montmartre. Ça vient de Mars, c'est du rap, chaîne, guerre, débarquement brutal. Jeunesse en cavale, depuis que l'État s'est travesti. On nous boycotte parce qu'à l'heure si on sème la panique. Dealer, qu'ici on n'est pas tumeur festif. Chez moi les larmes se mélangent au béton et la haine s'endurcit. J'prends le rap au sérieux comme un toc, ça croit son shit. Fidèle au vrai bonhomme, nique les MC flûtistes. 2008, on arrive avec la gnaque et l'envie. Frappe massive, ça vient de l'industrie. Verbal king, verbal brolic, verbal ferraille. Lâche ta gimmick qui dévoile. Les pieds dans le starting block, c'est le départ. On démarre, pas pour finir au mitard. Pas de star, système dans mon équipe. On aime cracher de la haine. Pour un peu d'oseille, l'instinct animal. Je réveille avant de déployer mes ailes. Je fais déployer mes troupes. Fuck le monde, voilà mon groupe. Sans neuf sur le bitume, sans bluff. C'est brutal et on assume. Rap bestial. Nous on aime quand ça fait mal. Pour deux balles on fait un truc brutal. Pour que dalle on fait des dégâts colossales. On est alpha, gaffe à eux, tout soit ouah. Mon crâne avec une taille d'essence. Appel les urgences en France, on est venu faire une reconnaissance. À la naissance, je suis arrivé sur un tas de ferraille. Envoie la maille, voilà le maître à Ok, c'est brutal, comme la seringue qui vient piquer ton bras. Ouais, c'est brutal, voir ta femme étouffée par un drap. Lyrique s'ingrave, vu le thème sur la mer dans la scène. On s'étouffe au seum, oublie les croisières sur la scène. Brutal, comme une Hergy, 40 kilos de pilon. J'allais pointer à l'usine, brutal sera ma réponse. Laisse-moi faire mon bif, un pied à terre, je vois qu'il panique. 2008, t'inquiète pas, je vais être brutal comme la chronique. C'est tellement brutal, direct, ça atteint le mental. Quand tu te rends compte que ta life est bancale, lamentable, agressif, comme du bon seum. Si t'es pensif, sensible, choquant. Quand tu te rends compte que c'est toi la cible, là j'insiste. Brutal comme celui qui t'incite à explorer le vice. L'ouverture d'une cicatrice dans ton crâne. Brutal, un coup de lampe torche par un déclisse. Ça se mêle sur ta bouche et ton sourire s'esquive. Après toujours la corde au cou avec ou sans la corde des comptes. Moi je viens de la cour des miracles, je m'en bats les couilles de la cour des côtes. C'est du go fast, en gestap, de Rital ou d'Allemand. Même un cœur gros comme ça peut s'arrêter brutalement. Comme une patate de docker ou un coup de boule de Kabyle. Comme Drucker qui pète un câble et fait parler sa carabine. Y'a des cadors et des faux culs, des condors et des faucons. Tu me salis et casse-toi pauvre con. Je vais pas te le répéter encore. Tu sais très bien de quoi je te parle, ce que je condamne à mort. J'ai fait l'effort dans mes rimes d'éclaircir le décor. C'est terrible, tu t'attardes à faire du rap de porc. Moi je suis fier de mes efforts, fier de faire monter le score. Fier de ma team et de son sort, fier des terrains qu'on explore. Et si les troupes en veulent encore, adrénaline pour vous sévir, d'accord.